c'est bon. Pas besoin de s'emballer, je m'en bats. Emballé à pas besoin de chier. 3-1, pas besoin de s'emballer. 5-2, MK. Pas de place pour les dalles, pas de place pour les dalles, pas de place pour les gratteurs. Pas de place pour les dalles, pas de place pour les dalles, pas de place pour les gratteurs. J'ai rien à vendre, donc y'a rien à gratter, yeah. Si ce n'est la pointe de mon bic sur ma feuille en papier. Les jaloux m'envient, je me dis c'est trop. Donc j'accélère, je ne vois plus que leur silhouette dans le rétro. Oh mec, j'ai rien à te promettre, donc va te faire mettre. Tu veux quoi? Goûter à ma notoriété, à ma cote de popularité, mais j'en ai pas. Pas besoin de s'emballer, je m'emballe. Je veux mon nariné, mes textes sous la recette pour les faire mariner. Ou ma rime, mais ça se vend pas. Si tu donnes dans l'espoir du retour, pas étonnant que ta veste fasse des allées. Allez, allez, retour. Chez moi, pas de groupie, pas je me la pète sur un groupe 31ème. Régiment, serrer les rangs, garde un œil sur mes troupes. De ceux qui soutiennent et ceux qui soutiennent pas. Au bord du précipice, y'a ceux qui courent et ceux qui tiennent pas. Ceux qui retardent le bataillon et ceux qui traînent pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Toi, t'as pas compris, mais le message est assez clair. Moi, je ferai le fou dans le peur, attends, tu paieras comme un Sinclair. J'ai rien à vendre, donc y'a rien à gratter. Si ce n'est la pointe de mon mic sur ma feuille en papier. Les jaloux m'envient, je me dis c'est trop. Donc j'accélère, je ne vois plus que leur silhouette dans le rétro. Oh, j'ai rien à vendre, donc y'a rien à gratter. Si ce n'est la pointe de mon mic sur ma feuille en papier. Les jaloux m'envient, je me dis c'est trop. Donc j'accélère, je ne vois plus que leur silhouette dans le rétro. Oh, y'a pas de bis, donc y'a pas d'autographe. Ni ma gueule sur un poster où y'a trop de graphes. Pas besoin de s'emballer, je m'emballer, je m'emballer. C'est des emballés, appel à l'aide, je rappe à l'aise sur le trône pendant qu'emballé. Sans pas fait, se fait emballer par s'emballer. Je mets les points sur les i mais sans baver. Car je mène ma guerre à coups de lyrics, donc sans pavé. Pas besoin de s'emballer. Pas besoin de s'emballer, je m'emballe. Pas de place pour les dalles, pas de place pour les dalles, pas de place pour les gratteurs. Pas de place pour les dalles, pas de place pour les dalles, pas de place pour les gratteurs. J'ai rien à vendre, donc y'a rien à gratter. Si ce n'est la pointe de mon mic sur ma feuille en papier. Les jaloux m'envient, je me dis c'est trop. Donc j'accélère, je ne vois plus que leur silhouette dans le rétro. Oh, j'ai rien à vendre, donc y'a rien à gratter. Si ce n'est la pointe de mon mic sur ma feuille en papier. Les jaloux m'envient, je me dis c'est trop. Donc j'accélère, je ne vois plus que leur silhouette dans le rétro. Oh, pas besoin de s'emballer. Emballer, pas besoin de s'emballer. Et je m'emballe, je m'emballe.